بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في السؤال الثالث بعد المئة 103 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما قولكم في من إذا أمرناه بالزواج قال لم يمرني الله بعض. Donc il fait interroger l'auteur رحمه الله عليه. Que dites-vous d'une personne lorsque on lui ordonne de se marier, il dit que Allah ne m'a pas encore donné cela, dans le sens que Allah ne me l'a pas encore prédestiné. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les causes, rien, en disant que ce n'est pas venu, l'heure n'est pas venue, du fait que Allah n'a pas fait en sorte que cela soit le moment que j'agisse. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى نَقُولُ هَذَا خَطَأ لِيَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْإِنسَانِ قُوَّةً وَإِرَادَةً وَاخْتِيَارًا يَعْمَلُ بِمَا يُرِيدُ وَإِرَادَتُهُ تَحْتَ إِرَادَةِ اللَّهِ بِلَا شَكٍّ. Donc il a dit, c'est une erreur de dire cela. Car Allah a donné à l'être humain une force et un libre arbitre et une volonté et le libre choix et qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Il est libre de ses mouvements, de ses pensées et de ses paroles. Il n'y a rien qui le contraint. Mais bien sûr, sa volonté est elle soumise à celle d'Allah, sans aucun doute. Sans quoi cela viendrait à dire qu'il y aurait plusieurs créateurs. Si quelqu'un crée lui-même sa volonté, ça veut dire que autre que Allah puisse créer, ça ce n'est pas possible. لكن بعض الناس يتعلل بالقضاء والقدر وفقا لما يورد عليه فقط وإلا فهو يعلم أن هذا ليس بصحيح. Car certaines personnes répondent en prétextant par le destin. D'accord. Et cela c'est juste pour répondre en fait. Car au fond ils savent très bien que leur réponse n'est pas valable. هل إذا قيل له لماذا لم تصلي يقول إن الله لم يأمرني أن أصلي. Par exemple, si tu lui dis pourquoi tu fais pas la salat, il dira que Allah ne m'a pas ordonné de faire la salat. Dans le sens que Allah ne m'a pas donné en moi, n'a pas mis en moi cette motivation, cette force de faire la salat. C'est ça qu'il veut dire par là. فإذا قيل له لماذا لا تترك الأكل قال لأن الله لم يأمرني بترك الأكل وهو يأكل ولا يقول إن الله أمرني ألا أكل. Mais par contre, si tu lui dis pourquoi ne délaisses-tu pas la nourriture ? Il dira parce que Allah ne m'a pas ordonné de délaisser la nourriture. Donc il est en train de manger quand il te dit ça. Mais il ne te dira pas Allah m'a ordonné de ne pas manger. Donc cela montre bien que cela revient au passion de la personne. Il répond juste pour répondre. Sans quoi, quand il dit que Allah ne m'a pas ordonné de faire telle chose, comme dans d'autres masalan, question qu'on a pris auparavant, pour la dunya, on dit ben pourquoi tu fais la queue pour avoir tel poste, tel travail, d'accord, tu fais les causes pour avoir ce travail là. Et Allah ne t'a pas ordonné de faire la queue. Donc pourquoi là, à ce moment-là, dans les choses qui sont profitables en religion, tu n'agis pas de la même. Non. فأقول إن الاحتجاج بالقدر احتجاج الضعيف الذي ليس له حجة. Donc le fait de se justifier par le qadar, ça c'est l'argument des gens faibles qui n'a aucun justificatif. Donc il n'a pas de réponse réelle. C'est juste qu'il n'a pas envie de faire la chose. Donc lui, pour te répondre, il prendra ce genre d'arguments qui sont vains. فنقول تزوج فإذا تزوجت علمنا أن الله قد أمرك هذا من حيث الأمر القدري. Donc on dit marie-toi et quand tu seras marié, là on aura su que Allah t'a prescrit, on va dire, t'a prédestiné le mariage. Mais sans que tu ne le fais pas, tu ne pourras pas savoir. Agis et après tu verras le résultat en fait. Et ça c'est une chose qui est liée au qadar. أما من حيث الأمر الشرعي فالله قد أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أعظ للبصر وأحسن للفرج. Il dit par contre, en ce qui concerne le décret légiféré, Allah t'a ordonné de te marier. Dans les hadiths, cela est venu. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit oh, vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut, il se marie. Car cela préserve sa vue, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce qui lui interdit, et cela préserve ses parties génitales également, qu'il évite de tomber dans le haram. Non. Et bien sûr, le mariage en soi n'est pas obligatoire de base, mais cela dépend d'un individu à un autre. Certains, ça devient peut-être obligatoire pour eux, si on est dans le haram. Il y en a pour qui cela est préférable, il y en a pour qui cela peut-être permis, il y en a pour qui cela peut être détestable et même interdit, car elle n'est pas en mesure de pouvoir se marier, par exemple. Il ne peut pas rendre le droit de la femme. Lui, à ce moment-là, le mariage ne lui est pas permis. Par exemple. Mais là-bas, c'est que le mariage est une chose qui est recommandée. On ne dira pas parce que je ne suis pas marié et dans le péché. Sauf si l'abandon du mariage, la main a tombé dans le haram. Là, oui. Et qu'il pouvait se marier, bien sûr. Non. Thumma qal fi su'al al-khamis ba'd al-mi'a. 105e question. Su'ila al-shaykh wa rahimahullah ta'ala, ma hukmu al-istihza bil-multazimin bi awamir Allah wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, qu'en est-il de se moquer des gens qui sont fidèles, c'est-à-dire les croyants pratiquants, bien qu'on ne peut être non pratiquant et en étant croyant, ça c'est évident, mais pour dire les gens qui s'accrochent vraiment, qui pratiquent le plus possible. D'accord ? Les gens de droiture. Donc qu'en est-il de se moquer de ces gens-là ? فأجاب رحمه الله تعالى الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جدا على المرء لأنه يخشى أن يكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله. Donc il a dit le fait de se moquer de ces gens-là qui se tiennent aux ordres de son messager, si on se moque d'eux pour justement cette accroche qu'ils ont à leur religion, cela est interdit et très dangereux pour la personne. Car on craint pour lui que le fait qu'il déteste ce dont il se moque, c'est le fait qu'il déteste l'accroche justement à la religion. وَهَيْنَ إِذِينَ يَكُنْ إِسْتِزَاءُهُ بِهِمْ إِسْتِزَاءً بِطَلِيقِهِمْ أَلَّذِهُمْ عَلَيْهِ فَيُشْبِهُونَ مَا قَرَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Donc maintenant, celui qui agit de la sorte, c'est-à-dire qui se moque de ces gens-là pour leur droiture, alors on craint pour lui qu'il ne soit concerné par la parole d'Allah dans le sens où il dit, si jamais tu nous interrogeais, ils te diront certes, nous ne faisions que plaisanter et bavarder. Dit, est-ce d'Allah et de son messager, et de ses versets de son messager, dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Le désaveu, verset 65-66. فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قراءنا أو قراءنا هؤلاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أشبد عند اللقاء فنزل الله فيه مهدي الآية. Car ce verset descend sur des gens, parmi les munafiqin, les hypocrites, qui disaient, nous n'avons pas vu de gens parmi ses lecteurs, c'est-à-dire qu'ils lisent le Coran. Et ils visaient par cela le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, de plus gros ventres ou de lampes mensongères, et de plus peureux lors de leur rencontre face à l'ennemi. Donc, le verset est descendu sur eux. فَقَالَ فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يَسْخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِكُونِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ. Donc il a dit que prennent garde ceux qui se moquent des gens de la vérité pour justement leur accrocher à la religion. Car Allah, il a dit, dans le sens, ou plutôt non, il a dit, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Dans le sens où il a dit, et certes, les criminels de ceux qui ont cru rigolaient, se moquaient d'eux. Et lorsqu'ils passaient auprès d'eux, ils se moquaient d'eux par des gestuels. Et lorsqu'ils retournaient auprès de leur famille, ils retournaient auprès de leurs proches plutôt, ils retournaient auprès d'eux hein, en se moquant. Et lorsqu'ils les voyaient, c'est-à-dire les croyants, les gens de droiture, ils disaient cela, sont des égarés. Alors qu'ils n'ont pas été envoyés pour eux pour les surveiller. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour de la résurrection, ceux qui ont cru se moqueront des mécréants. Ils seront sur des canapés à les regarder. Et est-ce que ce qu'ont accompli les koufars leur apportait quelque chose? Surat Mutaffifin, les fraudeurs, verset 29 à 36. Et également, Tanbih, dans une autre question, le shir a déjà remis en question le fait de dire multazim par rapport à la personne qui est droite. Normalement, on dit mustaqim, on ne dit pas multazim. D'accord ? On dit un mustaqim. Une personne qui est mustaqim, et pas un multazim. Wa hadha alladhi aradna min hadha as-su'al. Walhamdulillahi rabbil alamin.